Toute louange et tout remerciement sont dus à Allah, Seigneur de Alamin, hommes, djinns et tout ce qui existe autre qu'Allah.